Chapitre 18e. Il était venu jusque sur le seuil de l'atelier. Il aurait suivi Juliette s'il n'avait pas aperçu devant lui, planté dans l'allée, un jardinier qui le regardait avec stupéfaction. Alors, tandis que Juliette disparaissait au tournant de cette allée, il était rentré dans l'atelier. Il l'étouffait de bonheur. Elle l'aimait, c'était vrai, elle l'aimait. Sur ses lèvres, il sentait encore son baiser. Autour de ses épaules, il sentait encore l'étreinte de ses bras. Il se mit à marcher à grands pas dans l'atelier, tournant machinalement sur lui-même, s'arrêtant de temps en temps pour respirer le parfum que ses mains, qui avaient pressé cette tête adorée, gardaient subtil et enivrant. Il était fou. Allait-elle revenir? Évidemment, elle avait voulu le fuir et lui échapper. C'était sa pudeur de femme, son honneur, sa pureté, qui luttait contre son amour. Il sortit de l'atelier et se dirigea vers la maison. Une femme de chambre lui ouvrit la porte du vestibule. « Je vais aller voir si madame peut recevoir monsieur, » dit la femme de chambre. Bientôt, elle redescendit, annonçant que madame était indisposée et qu'à son grand regret, elle ne pouvait pas recevoir monsieur Erol. Il ne se retira pas, mais il renvoya la femme de chambre en la chargeant d'insister. Il n'avait qu'un mot à dire, un mot important. Cette fois, la femme de chambre fut plus longtemps à redescendre, et dans cette attente, il épuisa toutes les émotions de l'espérance et de l'angoisse. Enfin, la femme de chambre reparut, elle tenait une lettre à la main. « Madame est bien fâchée, mais elle est trop souffrante pour recevoir. Voici une lettre qu'elle envoie à monsieur. » Erol déchira vivement l'enveloppe, fermée d'un cachet de cire. Cette lettre ne contenait que trois lignes. « Je vous aime. Si vous m'aimez, je vous en conjure, partez et ne cherchez jamais à me revoir. Juliette. » Il sortit de la maison et dans la rue, il relut une seconde fois cette lettre, puis une troisième. « Je vous aime. » Il répétait ces trois mots. Et le nom mis au bas de ces lignes, il se le répétait aussi. « Juliette. » Combien ce nom lui était doux à prononcer. Elle avait signé. Bravement, elle avait mis son nom sous son aveu. Ce n'était point une coquette, une de ces femmes avisées qui prennent leurs précautions en vue d'un avenir changeant. Il ne partirait point. Pouvait-il s'éloigner quand il se savait aimé? Au lieu de retourner à Paris, il alla à Joinville. Puis, après avoir acheté un chapeau de paille à large bord, il descendit à la Marne et loua un bateau. Son plan était bien simple. Il remontait la Marne jusqu'à Nogent. Il amarrait son bateau vis-à-vis la propriété de madame d'Alifard, et quand il apercevait Juliette se promenant dans le jardin, il débarquait pour la rejoindre. Par ce moyen, il la surprenait, et il échappait au regard curieux des domestiques. Rien n'est plus naturel que de voir un bateau sur la rivière, et sous son chapeau de paille, on ne le reconnaîtrait point. Il était 4 heures lorsqu'il amarra son canot aux racines d'un saule en face la maison de Juliette, et il était là depuis un quart d'heure à peine, quand il remarqua un mouvement de va-et-vient du côté des écuries. C'était madame d'Alifard qui rentrait de Paris avec son petit-fils, et l'on remisait la voiture. Bientôt, sans doute, Juliette allait descendre dans le jardin. Elle aurait son fils avec elle, mais qu'importait? Il ne voulait lui dire qu'un mot qu'il trouverait bien moyen de lui glisser dans l'oreille. Il ne voulait qu'une chose, la voir et plonger son regard dans ses grands yeux profonds, qui se mouvaient avec des irradiations brûlantes sous leurs longs cils recourbés. Mais Juliette ne parut point. Autour de lui, sur la rivière, des bateaux passaient et repassaient sans cesse, montant le courant, le descendant. Des équipes qui s'entraînaient pour les prochaines régates et souquaient ferme sur la rame. Des femmes sentimentales qui laissaient tremper leurs mains dans l'eau en chantant des romances. Des jeunes gens en bottes montantes et en chemise rouge qui sonnaient du cor. Mais, insensible à tout ce qui l'entourait, il n'avait Dieu que pour le jardin. Il n'entendait même pas les rires et les plaisanteries des canotières qui tâchaient d'allumer ce pêcheur mélancolique. Cependant, le temps s'écoula et le soleil disparut derrière les arbres du bois. Était-elle vraiment malade, comme elle l'avait fait répondre? À cette pensée, il voulut aborder et interroger un jardinier ou un domestique, mais la prudence l'emporta sur l'inquiétude. Bientôt d'ailleurs, la nuit allait venir, et si Juliette était malade, on allumerait de la lumière dans sa chambre. Précisément, les fenêtres de cette chambre ouvraient sur les jardins, et de sa place, il les voyait en face. Il n'avait qu'à attendre la nuit. L'ombre s'épaissit, la couleur dorée qui emplissait le couchant s'affaiblit, des étoiles s'allumèrent çà et là dans le ciel, c'était la nuit. Mais il ne se montra pas de lumière dans la chambre de Juliette. Les fenêtres de cette chambre étaient ouvertes d'ailleurs, et ordinairement on ne laisse pas, quand vient le soir, toutes les fenêtres ouvertes dans la chambre d'une malade. Connaissant parfaitement la disposition de la maison, il pouvait par le mouvement des lumières conjecturer à peu près sûrement ce qui se passait à l'intérieur. Au premier étage, à l'extrémité du bâtiment, était la chambre de Juliette, qui, par deux portes vitrées, communiquait avec une vaste terrasse garnie d'arbustes grimpants, des glycines et des bignonias. Après cette chambre venait celle de l'enfant, puis, après celle-là, se trouvait celle de Madame Dalifard. Bientôt une bougie parut dans la chambre du petit Félix, en couchait l'enfant. Puis une lampe éclaira vivement les fenêtres de Madame Dalifard. Juliette allait sans doute descendre maintenant au jardin pour respirer la fraîcheur après la chaleur du jour. Comment la verrait-il? La lune, il est vrai, s'est élevée derrière les coteaux de Champigny, et elle éclairait en plein de sa lumière blanche la façade de la maison. Mais les allées étaient couvertes par des arbres au feuillage épais, et c'était seulement sur les pelouses frappées par la lune que la vue s'étendait librement. Une grande partie du jardin restait dans l'ombre. Il allait désespérer et redescendre à Joinville lorsqu'une forme blanche apparut sur la terrasse et s'accouda sur la balustrade. C'était Juliette. Alors il traversa rapidement la rivière et, attachant son bateau à une touffe de roseaux, il escalada le mur de Madame Dalifard et se trouva dans le jardin. Il s'engagea dans l'allée la plus sombre et, en étouffant autant que possible le bruit de ses pas, marchant sur les bordures de lierre et de gazon plutôt que sur le gravier, il monta vers la maison. Que dirait-il s'il rencontrait un jardinier? Il ne le savait, il n'y pensait même pas, il ne pensait qu'à Juliette. Lorsqu'il arriva au bout de l'allée, à une courte distance de la maison, il vit que Juliette était toujours à la même place, appuyée sur la balustrade, regardant devant elle, vaguement, dans les profondeurs bleues de la nuit. Caché dans l'ombre, il n'était pas visible pour elle. Devait-il se découvrir? Devait-il attendre que la maison fût endormie? Il s'arrêta à ce dernier parti. Juliette, il est vrai, pouvait, pendant cette attente, quitter la terrasse, mais alors il se montrerait au premier mouvement qu'elle ferait pour se retirer. De sa place, il étudia alors le moyen d'arriver jusqu'à cette terrasse, car il n'osait espérer que Juliette descendît dans le jardin, et son impatience de la voir s'était exaspérée de toutes les difficultés qui, successivement, l'avaient contrariée ou arrêtée. Cette escalade n'était pas très difficile. Une forte glycine garnissait le mur du bas jusqu'au haut, et ses rameaux palissés horizontalement contre la muraille formaient une succession d'échelons commodes pour les mains et pour les pieds. Gros comme le poignet d'un enfant, ces rameaux offraient toute la solidité désirable. Enfin, tous les bruits s'éteignirent dans la maison. Les lumières, les unes après les autres, disparurent. Juliette était toujours sur la terrasse. Seulement, au lieu de rester accoudée sur la balustrade, elle s'était assise, de sorte que sa tête seule émergeait maintenant du feuillage. Sous le rayonnement de la lune, son visage paraissait d'une pâleur argentée. Elle réfléchissait, elle songeait. Qui occupait sa pensée? Sa tête était tournée dans la direction de Chennevières. Par moments, ses yeux, frappés par la lumière de la lune, lançaient des éclairs. Ah, qu'elle était belle ainsi dans son cadre de feuillage! La nuit donnait à sa beauté un charme mystérieux qui emportait l'âme au-delà des choses de la terre. Cette lune, ce calme, ce silence, cette nuit chaude, le parfum des fleurs, le danger même de cette tentative, tout se réunissait pour exalter le peintre. C'est à lui qu'elle pensait. Il fit quelques pas en avant, mais sans sortir cependant de l'ombre qui l'enveloppait. Au bruit que firent ses pas, Juliette tourna la tête de son côté et ses yeux parurent vouloir percer les profondeurs du feuillage. Il s'arrêta et se tint immobile. On a toutes les audaces quand on désire une femme, toutes les timidités quand on l'aime. Et c'était sincèrement qu'il aimait Juliette. À la pensée qu'il pouvait ne plus la voir, Il se sentait anéanti. Que ferait-il? Que deviendrait-il si elle le repoussait? Que deviendrait-elle elle-même, la pauvre femme, s'il avait la maladresse de se tuer en gravissant ce mur, ou si, tout simplement, un domestique curieux, éveillé par le bruit de son escalade, le voyait et le reconnaissait? Il fit quelques pas en arrière. Mais un regard rapide qu'il jeta sur la maison lui montra toutes les fenêtres closes, toutes les lumières éteintes. On n'entendait pas d'autre bruit que le bruissement des feuilles des peupliers. Personne ne le verrait. Il ne serait pas assez maladroit pour se laisser tomber. Sa main était sûre, son pied était solide. Elle l'aimait. Il sortit de l'ombre et s'avança rapidement vers la maison. Il ne regardait pas à ses pieds, mais il tenait ses yeux fixés sur la terrasse. Il vit Juliette se lever et regarder avec un geste d'effroi de son côté. « Moi !» dit-il, en levant la tête vers elle et parlant d'une voix étouffée. « Moi, Francis !» Vivement, elle jeta ses deux bras en avant comme pour le repousser. Mais sans tenir compte de cette défense, il continua d'avancer. Arrivé au pied de la muraille, il s'accrocha aux branches de la glycine et avec les mains et les pieds, il commença à monter. Il tenait ses yeux levés vers la balustrade et il voyait Juliette penchée vers lui. Elle restait toujours les deux bras étendus, mais sans remuer et sans lui ordonner de descendre. Il continua de monter. La glycine, solidement attachée, résistait sous son poids et il ne faisait pas grand bruit. Enfin, sa tête atteignit la balustrade et la dépassa. Juliette allait-elle le repousser? Comme il s'adressait cette question poignante, il sentit deux bras qui se posaient autour de son cou et qui l'enlaçaient. En même temps, Juliette se pencha sur son visage et dans une étreinte nerveuse, elle l'attirait à elle.